moi on va célébrer. La vie est panoramique, j'y suis arrivé naïe. N'est jamais baissé les bras, n'est jamais fatigué. Il y a qu'assis sur le trône que je vais m'éterniser. Bandalouma derrière moi, on va célébrer. Deviennent mémorables. Jusqu'où va l'horizon, contrôle le territoire. Aucune montagne n'est insurmontable. Pensez qui va m'arrêter n'existe pas. Parce qu'on est ensemble ou on ne l'est pas. La gloire et la grâce, toujours avec moi. Ils veulent tous devenir stars, mais avec un talent. Ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail. See what I I'm